Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le Théâtre Sarah Bernhardt à Paris, dont Madame Nadine Farrel est la directrice, présente une tragédie de Pierre Corneille, Rodegune, dont la mise en scène a été réglée par Antoine Bourseiller. Décor de passe, costume de Jacques Schmitt. Nous vous en donnons dès maintenant l'interprétation dans l'ordre d'entrée en scène. Laonis, Chantal Darget. Timagène, Daniel Sarki. Antiochus, Guy Moigne. Séleucus, Roger Marion. Rodogune, Nadine Basile. Oronte, Stéphane Fay. Et Cléopâtre, Madame Edwige Feuillère. André Saudemont vous parle. Jamais sans doute les classiques n'ont été joués à Paris autant que depuis ces derniers mois. Bien entendu, en dehors de la Comédie française qui est leur temple. Il faut s'en réjouir pour des œuvres qui pourraient risquer d'être victimes de ce qu'on les étudie à l'école, qui sont une des plus grandes et plus sûres richesses de notre patrimoine et qui confirment leur permanence, leur universalité et, pour tout dire, leur jeunesse. Mais cela prouve peut-être aussi, pour qu'on ait besoin de recourir tant à elles, que peu d'œuvres contemporaines possèdent les mêmes qualités de vie et de durée. Les grands comédiens ont l'envie et presque le besoin de s'attaquer de temps en temps aux grands personnages du répertoire. Parmi tant d'autres, Lucien Guitry fut Tartuffe avec un accent auvergnat qui surprit fort, et Louis Jouvet fut Arnolphe. Aujourd'hui, Madame Edwige Feuillère est Cléopâtre. Elle a été séduite avec raison par cette grande figure chargée de passion qui prend place à côté de la Clytemnestre d'Eschyle et de la Lady Macbeth de Shakespeare. Rodogune. Le titre complet est Rodogune, princesse des Parthes. Corneille aimait beaucoup cette pièce, la préférait à toutes, mais il n'osait pas toujours le dire quand on disait devant lui que ses meilleures tragédies étaient le Cid et Cinna. Et je cite ici Corneille, « Il préfère cette pièce parce qu'elle me semble être un peu plus de moi que celles qui l'ont précédée. » Entre parenthèses, le sujet, et Corneille le dit lui-même, le sujet est tiré d'Appian Alexandrin. Et Corneille continue, « Elle me semble être plus près de moi que celles qui l'ont précédée à cause des inventions surprenantes qui sont purement de mon invention et qui n'avaient jamais été mises au théâtre. » Et Corneille en parle ainsi dans son examen avec une véritable tendresse. Il vante sa tragédie avec l'admirable candeur du génie. Il faut se méfier des clichés. Corneille en est parfois victime. On dit celui qui peignait les hommes tels qu'ils devraient être, le peintre de l'héroïsme, du devoir et de l'honneur. Oui, c'est vrai, il y a tout cela dans Corneille, mais il n'y a pas que cela. Sarah Bernhardt préférait Racine à Corneille. Racine est plus parfait, plus pur sans doute dans sa langue, plus égal dans ce qu'il atteint, qui est vraiment la perfection. Corneille, lui, est peut-être plus complet et pour tout dire plus jeune. Corneille, c'est tout un monde. À 65 ans, dans Psyché, il va parler d'amour mieux qu'il ne l'avait jamais fait. Dans le Cid, son Rocroi du départ, dans l'Estant surtout, on sentait un peu de la préciosité de l'hôtel de Rambouillet. Mais jusqu'au bout, même dans ses œuvres manquées, disons-le, il invente, il crée. Et il n'est pas que créateur, il est aussi théoricien. Je pense à ses discours sur les poèmes dramatiques, sur la tragédie et sur les unités. Dans Rodogune, il y a un peu, comme l'a dit Madame Feuillère elle-même, de l'outrance shakespearienne. Et il y a, me semble-t-il, et je ne sais si cela a été dit, il y a les premiers signes précurseurs du romantisme et du mélodrame. Ceci est vrai pour le cinquième acte chargé d'effets, admirablement construit quant aux situations, orné de suspense, coupant le souffle au spectateur. Rodogune, c'est dans le personnage de la reine Cléopâtre le drame de l'ambition, de l'amour du pouvoir. Le personnage n'est pas unique sur ce plan, bien sûr. J'ai parlé de Lady Macbeth, il y en a d'autres. Amour du pouvoir qui porte en lui-même sa propre condamnation, infiniment plus violent et plus dangereux que l'amour tout court. Car l'amour ne peut nuire qu'à l'être qu'il subit, et au plus à un ou deux autres, dans le cas de crimes passionnels. Au contraire, l'amour du pouvoir peut faire d'innombrables victimes. Les tyrans et les dictateurs en sont la trop fameuse illustration. Ceux qui sont possédés par cette ambition dévorante perdent le sens de l'humain. Qu'importe le sacrifice de vies humaines, ces vies ne sont rien que des pions sur un jeu. Cléopâtre aime son trône et veut le garder. Cette passion la brûle malgré elle, car elle n'est peut-être pas plus responsable que Phèdre incendié par son amour pour Hippolyte. C'est une passion à l'état pur qui s'empare d'un être et lui retire son libre arbitre, en même temps que tout sens moral. On comprend que Madame Feuillet ait voulu incarner une figure qui demeure étonnamment moderne, et je tiens à ce mot de moderne. La présentation de son metteur en scène, Antoine Bourseiller, a été discutée, et je crois qu'il n'y a pas à le regretter. La discussion est preuve de vie, de mouvement. Cela vaut mieux que la froide admiration, que le respect glacé qui a quelque chose de l'amour des tombes. Les grandes œuvres classiques appartiennent à tous, et chaque génération a le droit de leur apporter ses propres résonances. On s'est étonné que certains personnages parlassent étendus. Y a-t-on vu un irrespect pour les vers de Corneille ? Mais les Romains banquetaient couchés. Et nous sommes en Orient, et surtout à une époque où le rythme de vie n'est pas le même que le nôtre, car nous ne parlons presque qu'en courant. La décoration est une sorte de grande cave d'or où le trône de Cléopâtre prend une importance particulière, réelle et symbolique. La scène est, je cite Corneille, à Séleucie dans le palais royal. Les personnages, je vous les rappelle, Cléopâtre, reine de Syrie, veuve de Nicanor, la reine orientale paraît comme une idole, Séleucus et Antiochus sont ses deux fils jumeaux, tous deux également jeunes, beaux et blonds, la princesse Rodogune, sœur du roi des Parthes, qui est aimée des deux frères, Timagène, gouverneur des deux princes, Laonis, sœur de Timagène et confidente de Cléopâtre, Oronte, ambassadeur. En scène, au début de l'action, Laonis et son frère Timagène dans une partie surélevée du plateau. Enfin ce jour pompeux, cet heureux jour nous luit, qui d'un trouble si long va dissiper la nuit. Ce grand jour où l'hymen étouffant sa vengeance entre le Parthe et nous remet l'intelligence, affranchit sa princesse et nous fait pour jamais du motif de la guerre un lien de la paix. Ce grand jour est venu, mon frère, où notre reine, cessant de plus tenir la couronne incertaine, va rompre aux yeux de tous son silence obstiné, de deux princes gémeaux nous déclarer l'aîné, et l'avantage seul d'un moment de naissance, dont elle a jusqu'ici caché la connaissance, mettant au plus heureux le sceptre dans la main, va faire l'un sujet et l'autre souverain. Mais n'admirez-vous point que cette même reine le donne pour époux à l'objet de sa haine, et l'on doit faire un roi qu'afin de couronner celle que dans les fers elle aimait à gêner. Rodogune, par elle en esclave traitée, par elle se va voir sur le trône monté, puisque celui des deux qu'elle nommera roi lui doit donner sa main et recevoir sa foi. Pour le mieux admirer, trouvez bon, je vous prie, que j'apprenne de vous les troubles de Syrie. J'en ai vu les premiers, et me souviens encore des malheureux succès du grand roi Nicanor, quand, des Parthes vaincus pressant la droite fuite, il tomba dans leur fer au bout de sa poursuite. Je n'ai pas oublié que cet événement du perfide Tryphon fit le soulèvement. Voyant le roi captif, la reine désolée, il crut pouvoir saisir la couronne ébranlée. Et le sort, favorable à son lâche attentat, mit d'abord sous ses lois la moitié de l'État. La reine, craignant tout de ses nouveaux orages, en sut mettre à l'abri ses plus précieux gages, et pour n'exposer pas l'enfance de ses fils, me les fit chez son frère, enlever à main fils. Là, nous n'avons rien su que de la renommée qui, par un bruit confus diversement semé, n'a porté jusqu'à nous ces grands renversements que sous l'obscurité de son déguisement. Sachez donc que Tryphon, après 4 batailles, ayant su nous réduire à ses seules murailles en format tôt le siège, et pour comble d'effroi, un faux bruit s'y coula touchant la mort du roi. Le peuple épouvanté, qui déjà dans son âme ne suivait qu'à regret les ordres d'une femme, voulut forcer la reine à choisir un époux. Et que pouvait-elle faire, et seule, et contre tous? Croyant son mari mort, elle épousa son frère. L'effet montra soudain ce conseil salutaire. Le prince Antiochus, devenu nouveau roi, sembla de tous côtés traîner l'heure avec soi. La victoire attachée au progrès de ses armes sur nos fiers ennemis rejeta nos alarmes. Et la mort de Tryphon dans un dernier combat, changeant tout notre sort, lui rendit tout l'état. Quelques promesses alors, qu'il fait à la mère de remettre ses fils au trône de leur père. Il témoigna si peu de la vouloir tenir, qu'elle n'osa jamais les faire revenir. Ayant régné 7 ans, son ardeur militaire ralluma cette guerre où succomba son frère. Il attaqua le Parthe et se crut assez fort pour en venger sur lui la prison et la mort. Jusque dans ses états, il lui porta la guerre. Il s'y fit partout craindre à l'égal du tonnerre. Il lui donna bataille ou 1000 beaux exploits. Je vous achèverai le reste une autre fois des princes survivants. Demeurez, Laonis. Vous pouvez, comme lui, me rendre un bon office. Dans l'état où je suis, triste et plein de soucis, si j'espère beaucoup, je crains beaucoup aussi. Un seul mot, aujourd'hui, maître de ma fortune, m'ôte ou donne à jamais le sceptre, Hérodogune. Et de tous les mortels, ce secret révélé me rend le plus content ou le plus désolé. Je vois dans le hasard tous les biens que j'espère, et ne puis être heureux sans le malheur d'un frère, mais d'un frère si cher qu'une sainte amitié fait sur moi de ses mots rejaillir la moitié. Donc, pour moins hasarder, j'aime mieux moins prétendre. Et pour rompre le coup que mon cœur n'ose attendre, lui cédant de deux biens le plus brillant aux yeux, m'assurer de celui qui m'est plus précieux. Heureux si, sans attendre un fâche droit d'aînesse, pour un trône incertain, j'en obtiens la princesse. Et puis, par ce partage, épargner les soupirs qui naîtraient de ma peine ou de ses déplaisirs. Va le voir de ma part, Imagène, et lui dire que pour cette beauté je lui cède l'empire. Mais porte-lui si haut la douceur de régner qu'à cet éclat du trône il se laisse gagner, qu'il s'en laisse éblouir jusqu'à ne pas connaître à quel prix je consens de l'accepter pour maître. Et vous, en ma faveur, voyez ce cher objet et tâchez d'abaisser ses yeux sur un sujet qui, peut-être, aujourd'hui porterait la couronne s'il n'attachait les siens à sa seule personne et ne la préférait à cet illustre rang pour qui les plus grands cœurs prodiguent tout leur sang. Seigneur, le prince vient, et votre amour lui-même, lui peut sans interprète offrir le diadème. Ah, je tremble. Et la peur d'un trop juste refus rend ma langue muette et mon esprit confus. Beaupuis, j'ai en confiance, expliquez ma pensée. Parlez ! Notre amitié par ce doute est blessée. Hélas, c'est le malheur que je crains aujourd'hui. L'égalité, mon frère, en est le ferme appui. C'en est le fondement, la liaison, le gage. Et voyant d'un côté tomber tout l'avantage, avec juste raison, je crains qu'entre nous deux, l'égalité rompue en rompe les doux nœuds. Et que ce jour fatal, à l'heure de notre vie, jette sur l'un de nous trop de honte ou d'envie. Comme nous n'avons eu jamais qu'un sentiment, cette peur me touchait, mon frère, également. Mais si vous le voulez, j'en sais bien le remède. Si je le veux, bien plus, je la porte. et vous cède tout ce que la couronne a de charmante en soi. Oui, Seigneur, car je parle à présent à mon roi. Pour le trône cédé, cédez-moi, Rodogun, et je n'envierai point votre haute fortune. Ainsi notre destin n'aura rien de honteux, ainsi notre bonheur n'aura rien de douteux, et nous mépriserons ce faible droit d'aînesse, vous, satisfait du trône, et moi de la princesse. Hélas ! Recevez-vous l'offre avec des plaisirs ? Pouvez-vous nommer offre une ardeur de choisir qui, de la même main qui me cède un empire, m'arrache un bien plus grand ? Et le seul où j'aspire. Vous l'aimez donc, mon frère. Et vous l'aimez aussi. C'est là tout mon malheur. C'est là tout mon souci. J'espérais que l'éclat dont le trône se pare toucherait vos désirs plus qu'un objet si rare. Mais aussi bien qu'à moi son prix vous est connu, et dans ce juste choix, vous m'avez prévenu. Ah, déplorable prince! Ah, destin trop contraire! Que ne ferais-je point contre un autre qu'un frère? Ô mon cher frère, ô non pour un rival trop doux, que ne ferais-je point contre un autre que vous? Où nous vas-tu réduire, amitié fraternelle? Amour, qui doit ici vaincre de vous ou d'elle? L'amour. L'amour doit vaincre. Et la triste amitié ne doit être à tous deux qu'un objet de pitié. Un grand cœur cède un trône et le cède avec gloire. Cet effort de vertu couronne sa mémoire. Mais lorsqu'un digne objet a pu nous enflammer, qui le cède est un lâche et ne sait pas aimer. De tous deux, Rodogune a charmé le courage. Cessons par trop d'amour de lui faire un outrage. Elle doit épouser, non pas vous, non pas moi, mais de moi, mais de vous, quiconque sera roi. Régnons. L'ambition ne peut être que belle, et pour elle quittée, et reprise pour elle. Et ce trône, où tous deux nous osions renoncer, souhaitons-le tous deux, afin de l'y placer. C'est dans notre destin le seul conseil à prendre. Nous pouvons nous en plaindre, mais nous devons l'attendre. Il faut encore plus faire. Il faut qu'en ce grand jour, notre amitié triomphe aussi bien que l'amour. Malgré l'éclat du trône et l'amour d'une femme, faisons si bien régner l'amitié sur notre âme, qu'étouffant dans leur perte un regret subornaire, dans le bonheur d'un frère, on trouve son bonheur. Le pourrez-vous, mon frère? Ah, que vous me pressez. Je le voudrais du moins, mon frère, et c'est assez. Et ma raison sur moi gardera tant d'empire que je désavouerai mon cœur s'il en soupire. J'embrasse comme vous ces nobles sentiments. Mais allons leur donner le secours des serments, afin qu'étant témoin de l'amitié jurée, les dieux, contre un tel coup, assurent sa durée. Allons, allons les traindre au pied de leurs autels, par des liens sacrés et des nœuds immortels. Peut-on plus dignement en mériter la couronne? Je ne suis point surpris de ce qui vous étonne. Confidant de tous deux, prévoyant leur douleur, j'ai prévu leur constance et je plains leur malheur. Mais de grâce, achevez l'histoire commencée. Pour la reprendre donc où nous l'avons laissée. Les Parthes au combat par les nôtres forcés, tantôt presque vainqueurs, tantôt presque enfoncés. Sur l'une et l'autre armée également heureuse, virent longtemps voler la victoire douteuse. Mais la fortune enfin se tourna contre nous. Si bien qu'Antiochus, percé de 1000 coups près de tomber aux mains d'une troupe ennemie, lui voulut dérober les restes de sa vie. Et préférant au fer la gloire de périr lui-même, par sa main acheva de mourir. La reine ayant appris cette triste nouvelle en reçut tôt après une autre, plus cruelle. Que Nicanor vivait, que sur un faux rapport de ce premier époux on avait cru la mort. Que piqué jusqu'au vif contre son hyménée, son âme illimitée s'était déterminée. Et que pour s'affranchir des fers de son vainqueur, il allait épouser la princesse, sa sœur. La reine envoie en vain pour se justifier. On a beau la défendre, on a beau le prier, on ne rencontre en lui qu'un juge inexorable et son amour nouveau la veut croire coupable. Son erreur est un crime. Et pour l'en punir mieux, il veut même épouser Rodogune à ses yeux. Arracher de son front le sacré diadème pour ceindre une autre tête en sa présence même. Et tandis qu'animé de colère et d'amour, il vient déshériter ses fils par son retour, et qu'un fier escadron de Parthes plein de joie conduit ses deux amants et court comme à la proie. La reine, au désespoir de n'en rien obtenir, se résout de se perdre ou de le prévenir. Elle oublie un mari qui veut cesser de l'être, qui ne veut plus la voir qu'en implacable maître. Et changeant à regret son amour en horreur, elle abandonne tout à sa juste fureur. Elle-même leur dresse une embûche au passage, se mêle dans les coups, porte partout sa rage, en pousse jusqu'au bout les furieux effets. Que vous dirai-je enfin ? Les Parthes sont défaits. Le roi meurt, et dit-on par la main de la reine. Rodogune, captive et livrée à sa haine, tous les maux qu'un esclave endure dans les fers. Alors sans moi, mon frère, elle les eût souffert. La reine, à la gênée, prenant mille délices, ne commettait qu'à moi l'ordre de ses supplices. Mais quoi que m'ordonnât cette âme tout en feu, je promettais beaucoup, et j'exécutais peu. Le Parthe cependant jure la vengeance. Sur nous, à ma armée, ils font en diligence, nous surprend, nous assiège, et fait un tel effort que la ville aux abois, on lui parle d'accord. Il veut fermer l'oreille, enflé de l'avantage. Mais voyant parmi nous Rodogune en otage, enfin il craint pour elle et nous daigne écouter. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'on doit exécuter. La reine de l'Égypte a rappelé nos princes pour remettre à l'aîné son trône et ses provinces. Rodogune a paru, sortant de sa prison comme un soleil levant dessus notre horizon. Dois-je dire de bonne ou de mauvaise fortune, nos deux princes, tous deux, adorent Rodogune. Après un noir qui suit cette scène entre Timagène et Laonice, voici la princesse Rodogune et Laonice. Je ne sais quel malheur aujourd'hui me menace et coule dans ma joie une secrète glace. Je tremble, Laonice, et te voulais parler ou pour chasser ma crainte ou pour m'en consoler. Quoi, madame ? En ce jour, pour vous, si plein de gloire. Ce jour m'en promettant que j'ai peine à tout croire. La fortune me traite avec trop de respect, et le trône et l'hymen, tout me devient suspect. L'hymen semble à mes yeux cacher quelque supplice. Le trône, sous mes pas, creuser un précipice. Je vois de nouveaux fers après les miens brisés, et je prends tous ces biens pour des maux déguisés. En un mot, je crains tout de l'esprit de la reine. La paix qu'elle a jurée en a calmé la haine. La haine entre les grands se calme rarement. La paix souvent n'y sert que d'un amusement. et dans l'état où j'entre à te parler sans fin, tel a lieu de me craindre, et je crains cette crainte. Non qu'enfin je ne donne au bien des deux états ce que j'ai dû de haine à de tels attentats, j'oublie, et pleinement toute mon aventure. Mais une grande offense est de cette nature, que toujours son auteur impute à l'offense et un vif ressentiment dont il le croit blessé. Et quoi qu'en apparence on les réconcilie, il le craint, il le hait, et jamais ne s'y fie. Et toujours alarmé de cette illusion, sitôt qu'il peut le perdre, il prend l'occasion. Telle est pour moi la reine. Oh, madame, je jure que par ce faux soupçon vous lui faites injure. Vous devez oublier un désespoir jaloux où força son courage un infidèle époux. Il fallait un prétexte à vaincre sa colère. Il y fallait du temps. Et pour ne vous rien taire, quand je me dispensais à lui mal obéir, quand en votre faveur je semblais la trahir, peut-être qu'en son cœur plus doux s'est repenti, elle en dissimulait la meilleure partie. Que se voyant trompée, elle fermait les yeux, et qu'un peu de pitié la satisfaisait mieux. À présent que l'amour succède à la colère, elle ne vous voit plus qu'avec des yeux de mère. Et si de cet amour je la voyais sortir, je jure de nouveau de vous en avertir. Vous savez comme quoi je vous suis tout acquise. Le roi souffrirait-il d'ailleurs quelque surprise? Qui que ce soit des deux qu'on couronne aujourd'hui, elle sera sa mère et pourra tout sur lui. Qui que ce soit des deux, je sais qu'il vous adore. Connaissant leur amour, pouvez-vous craindre encore? Oui, je crains leur hymen, et d'être à l'un des deux. Quoi, sont-ils des sujets indignes de vos feux? Comme ils ont même sang, avec pareil mérite un avantage égal pour eux me sollicite. Mais il est malaisé dans cette égalité qu'un esprit combattu ne penche d'un côté. Il est des nœuds secrets. Il est des sympathies dont par le doux rapport les âmes assorties s'attachent l'une à l'autre et se laissent piquer par ces je ne sais quoi qu'on ne peut expliquer. C'est par là que l'un d'eux obtient la préférence. Je crois voir l'autre encore avec indifférence, mais cette indifférence est une aversion lorsque je la compare avec ma passion. Étrange effet d'amour, incroyable chimère, je voudrais être à lui si je n'aimais son frère. Et le plus grand des maux toutefois que je crains, c'est que mon triste sort me livre entre ses mains. Ne pourrais-je servir une si belle flamme? Ne crois pas en tirer le secret de mon âme. Quelque époux que le ciel veuille me destiner, c'est à lui pleinement que je veux me donner. De celui que je crains, si je suis le partage, je saurai l'accepter avec même visage. L'hymen me le rendra précieux à son tour, et le devoir fera ce qu'aurait fait l'amour, sans crainte qu'on reproche à mon humeur forcée qu'un autre qu'un mari règne sur ma pensée. Vous craignez que ma foi vous l'ose reprocher. Que ne puis-je à moi-même aussi bien le cacher? Quoi que vous me cachiez, aisément je devine. Et pour vous dire enfin ce que je m'imagine, le prince... Garde-toi de nommer mon vainqueur. Ma rougeur trahirait les secrets de mon cœur. Et je te voudrais mal de cette violence que ta dextérité ferait à mon silence. Même de peur qu'un mot par hasard échappé te fasse voir ce cœur et quels traits l'ont frappé. Je romps un entretien dont la suite me blesse. Adieu. Mais souviens-toi que c'est sur ta promesse que mon esprit reprend quelque tranquillité. Madame, assurez-vous sur ma fidélité. Noir sur le plateau, vous avez entendu le premier acte de Rodogune, de Corneille, depuis le théâtre Sarah Bernhardt. La dernière scène était entre la princesse Rodogune et Laonis. Voici tout de suite le deuxième acte. La salle du trône. La reine Cléopâtre. Lumière. La reine. Étendue. À genoux maintenant. Elle a un poignard. Serment fallacieux, salutaire contrainte que m'impose à la force et qu'accepta ma crainte. Heureux déguisement d'un immortel courroux, vain fantôme d'état, évanouissez-vous! Si d'un péril pressant la terreur vous fit naître, avec ce péril même il vous faut disparaître. Semblables à ces vœux dans l'orage formé, qu'efface un prompt oubli quand les flots sont calmés. Et vous, qu'avec tant d'art cette feinte a voilée, recours des impuissants, haine dissimulée, digne vertu des rois, noble secret de cour, éclatez, il est temps. Et voici notre jour. Montrons-nous toutes deux, non plus comme sujettes, mais telles que je suis et telles que vous êtes. Le part est éloigné, nous pouvons tout oser. Nous n'avons rien à craindre et rien à déguiser. Je hais, je règne encore. Laissons d'illustres marques, en quittant s'il le faut ce haut rang des monarques. Faisons-en avec gloire un départ éclatant et rendons le funeste à celle qui l'attend. C'est encore cette même ennemie qui cherchait ses honneurs dedans mon infamie, dont la haine à son tour croit me faire la loi et régner par mon ordre et sur vous et sur moi. Tu m'estimes bien lâche, imprudente rivale, si tu crois que mon cœur jusque-là se ravale, qu'il souffre qu'un hymen qu'on t'a promis en vain te mette ta vengeance et mon sceptre à la main. Vois jusqu'où m'emporta l'amour du diadème, vois quel sang il me coûte, et tremble pour toi-même. Tremble, te dis-je. Et songe en dépit du traité que pour t'en faire un don, je l'ai trop acheté. On voit Laonis qui vient vers la reine. Laonis, vois-tu que le peuple s'apprête aux pompeux appareils de cette grande fête? La joie en est publique. Et les princes tous deux, des Syriens ravis, emportent tous les vœux. Ils penchent d'un côté, prêts à tomber de l'autre. Leur choix pour s'affermir attend encore le vôtre. Et de celui qu'ils font, ils sont si peu jaloux que votre secret su les réunira tous. Sais-tu que mon secret n'est pas ce que l'on pense? J'attends avec eux tous celui de leur naissance. Pour un esprit de cour et nourri chez les grands, tes yeux dans leurs secrets sont bien peu pénétrants. Apprends, ma confidente. Apprends à me connaître. Si je cache en quel rang le ciel les a fait naître, vois, vois que tant que l'ordre en demeure douteux, aucun des deux ne règne et je règne pour eux. Quoique ce soit un bien que l'un et l'autre attendent, de crainte de le perdre, aucun ne le demande. Cependant, je possède. Et leurs droits incertains me laissent avec leur sort, leur sceptre dans la main. Voilà mon grand secret. Laonis commence à parer la reine. Sais-tu par quel mystère je l'ai laissé tous deux en dépôt chez mon frère? J'ai cru qu'Antiochus les tenait éloignés pour jouir des états qu'il avait regagnés. Il occupait leur trône et craignait leur présence. Et cette juste crainte assurait ma puissance. Mes ordres en étaient de point en point suivis quand je le menaçais du retour de mes fils, et comptant malgré lui du vain titre de roi, s'il régnait au lieu d'eux, ce n'était que sous moi. Je te dirai bien plus. Sans violence aucune, j'aurais vu Nicanor épouser Rodogune, si content de lui plaire et de me dédaigner, il eût vécu chez elle en me laissant régner. Son retour me fâchait plus que son Hyménée, et j'aurais pu l'aimer s'il ne l'eût couronnée. Tu vis comme il y fit des efforts superflus. Je fis beaucoup alors, et ferais encore plus, s'il était quelquefois infâme ou légitime, que m'enseigna la gloire ou que m'ouvrit le crime, qui me put conserver un bien que j'ai chéri, jusqu'à verser pour lui tout le sang d'un mari. Dans l'état pitoyable où m'en réduit la suite, délice de mon cœur, il faut que je te quitte, on m'y force, il le faut. Mais on verra quel fruit en recevra bientôt celle qui m'y réduit. L'amour que j'ai pour toi tourne en haine pour elle. Autant que l'un fut grand, l'autre sera cruel. Et puisqu'en te perdant, j'ai sur qui m'en venger, ma perte est supportable et mon mal est léger. Quoi ? Vous parlez encore de vengeance et de haine pour celle dont vous-même allez faire une reine ? Quoi ? Je ferais un roi pour être son époux et m'exposer au trait de son juste courroux. N'apprendras-tu jamais, âme basse et grossière, à voir par d'autres yeux que les yeux des vulgaires? Toi qui connais ce peuple et sais qu'au champ de Mars, lâchement d'une femme, il suit les étendards, que sans Antiochus, Tryphon m'eût dépouillé, que sous lui, son ardeur fut soudain réveillée. Ne saurais-tu juger que si je nomme un roi, c'est pour le commander et combattre pour moi? Le choix en main avec le droit d'aînesse. Et puisqu'il faut en faire une aide à ma faiblesse, que la guerre sans lui ne peut se rallumer, j'userai bien du droit que j'ai de le nommer. On ne montera point au rang dont je dévale qu'en épousant ma haine au lieu de ma rivale. Ce n'est qu'en me vengeant qu'on me le peut ravir, et je ferai régner qui me voudra servir. Je vous connaissais mal. Connais-moi tout entière. Quand je mis Rodogune dans tes mains prisonnières, ce ne fut ni pitié, ni respect de son rang qui m'arrêta le bras et conserva son sang. La mort d'Antiochus m'a laissé sans armée, et d'une troupe en hâte à me suivre animée. Beaucoup dans ma vengeance, ayant fini leur jour, m'exposaient à Tryphon et faible et sans secours. Je me voyais perdu à moins d'un tel otage. Il vint, et sa fureur craignit pour ce cher gage. Il m'imposa des lois, exigea des serments. Et moi, j'accordais tout pour obtenir du temps. Laonis continue à parer la reine de ses lourds bijoux. C'est un trésor plus grand qu'on ne peut croire. J'en obtins, et je crus obtenir la victoire. J'ai pu reprendre haleine et sous de feu aux apprêts. Mais voici mes deux fils que j'ai mandés exprès. Écoute, et tu verras quel est cet Hyménée où se doit terminer cette illustre journée. Les deux princes, Antiochus et Séleucus, viennent vers Cléopâtre. Elle est sur son trône. Elle les regarde fièrement. Elle leur fait signe. Mes enfants, prenez place. Ils s'asseyent à ses pieds. Enfin, voici le jour, si doux à mes souhaits, si cher à mon amour, où je puis voir briller sur une de vos têtes ce que j'ai conservé parmi tant de tempêtes, et vous remettre un bien après tant de malheurs, qui m'a coûté pour vous tant de soins et de pleurs. Il peut vous souvenir quelles furent mes larmes quand Tryphon me donna de si rudes alarmes que pour ne vous pas voir exposé à ses coups, il fallut me résoudre à me priver de vous. Quelle peine, grand Dieu, depuis n'ai-je soufferte. Chaque jour, redoubla mes douleurs et mes pertes. Je vis votre royaume entre ses murs réduits. Je crus mort, votre père. Et sur un si faux bruit, le peuple mutiné voulut avoir un maître. J'eus beau le nommer lâche, ingrat, parjure, traître. Il fallut satisfaire à son brutal désir. Et de peur qu'il en prît, il m'en fallut choisir. Pour vous sauver l'état, que n'eussais-je pu faire? Je choisis un époux avec des yeux de mer, votre oncle Antiochus. Et j'espérais qu'en lui, votre trône tombant trouverait un appui. Mais à peine son bras en relève la chute, que par lui, de nouveau, le sort me persécute. Maître de votre état, par sa valeur sauvée, il s'obstine à remplir ce trône relevé. Qui lui parle de vous attire sa menace. Il n'a défait Tryphon que pour prendre sa place. Et de dépositaire et de libérateur, il s'érige en tyran et lâche usurpateur. Sa main l'en a puni, pardonnons à son ombre. Aussi bien... en un seul, voici des mots sans nombre. Nicanor, votre père, est mon premier époux. Mais pourquoi lui donner encore des noms si doux, puisque l'ayant cru mort, il sembla ne revivre que pour s'en dépouiller afin de nous poursuivre. Passons, je ne me puis souvenir sans trembler du coup dont j'empêchais qu'il nous pût accabler. Je ne sais s'il est digne ou d'horreur ou d'estime, s'il plutôt Dieu ou non, s'il fut justice ou crime. Mais soit crime ou justice, il est certain, mes fils, que mon amour pour vous fit tout ce que je fis, ni celui des grandeurs, ni celui de la vie ne jeta dans mon cœur cette aveugle furie. J'étais las d'un trône où d'éternels malheurs me comblaient chaque jour de nouvelles douleurs. Ma vie est presque usée, et serait-ce inutile chez mon frère, avec vous, trouvait un sûr asile. Mais voir, après 12 ans et de soins et de maux, un père vous ôter le fruit de mes travaux. Mais voir, votre couronne, après lui, destinée aux enfants qui naîtraient d'un second Hyménée, à cette indignité, je ne connus plus rien. Je me crus tout permis pour garder votre bien. Recevez donc, mes fils, de la main d'une mère, un trône racheté par le malheur d'un père. Je crus qu'il fit lui-même un crime en vous l'ôtant, et si j'en ai fait tant en vous le rachetant, daigne du juste ciel la bonté souveraine, vous en laissant le fruit m'en réserver la peine, ne lancer que sur moi les foudres méritées, et n'épandre sur vous que des prospérités. Antiochus se lève. Jusque ici, madame, aucun ne met en doute les longs et grands travaux que notre amour vous coûte. Et nous croyons tenir des soins de cet amour, ce doux espoir du trône, aussi bien que le jour. Nous attendons le sceptre avec même espérance. Mais si nous l'attendons, c'est sans impatience. Nous pouvons, sans régner, vivre tous deux contents. C'est le fruit de vos soins. Jouissez-en longtemps. Il tombera sur nous quand vous en serez las. Nous le recevrons lors de bien meilleures grâces. Et l'accepter sitôt semble nous reprocher de n'être revenu que pour vous l'arracher. J'ajouterai, madame, à ce qu'a dit mon frère, que bien qu'avec plaisir et l'un et l'autre espèrent, l'ambition n'est pas notre plus grand désir. Régner, nous le verrons tous deux avec plaisir. C'est bien la raison que pour tant de puissance, nous vous rendions du moins un peu d'obéissance. Et que celui de nous dont le ciel a fait choix, sous votre illustre exemple, apprenne l'art des rois. Dites tout, mes enfants. Vous fuyez la couronne, non que son trop d'éclat ou son poids vous étonne. L'unique fondement de cette aversion, c'est la honte attachée à sa possession. Elle passe à vos yeux pour la même infamie, s'il faut la partager avec notre ennemi, et qu'un indigne y mène la face retombée sur celle qui venait pour vous la dérober. Ô noble sentiment d'une âme généreuse, ô fils, Vraiment, mes fils. Oh, mère trop heureuse. Le sort de votre père enfin est éclairci. Il était innocent et je puis l'être aussi. Il vous aima toujours et ne fut mauvais père que charmé par la sœur ou forcé par le frère. Et dans cette embuscade où son effort fut vain, Rodogune, mes fils, le tua par ma main. Ainsi, de cet amour, la fatale puissance vous coûte votre père. À moi, mon innocence. Et si ma main pour vous n'avait tout à tenter, l'effet de cet amour vous aurait tout coûté. Ainsi, vous me rendrez l'innocence et l'estime lorsque vous punirez la faute de mes crimes. De cette même main qui vous a tout coûté, dans son sang odieux, je l'aurais bien lavé. Mais comme vous aviez votre part aux offenses, je vous ai réservé votre part aux vengeances. Et pour ne tenir plus en suspens vos esprits, si vous voulez régner, le trône est à ce prix. Entre deux fils que j'aime avec même tendresse, embrasser ma querelle est le seul droit d'aînesse. La mort de Rodogune en nommera l'aîné. Quoi ? Vous montrez tous deux un visage étonné. Redoutez-vous son frère ? Après la paix infâme que même en la jurant je détestais dans l'âme, j'ai fait lever des gens par des ordres secrets qu'à vous suivre en tout lieu vous trouverez tout près. Et tandis qu'il fait tête au prince d'Arménie, nous pouvons sans péril briser sa tyrannie qui vous fait donc pâlir à cette juste loi. Est-ce pitié pour elle? Est-ce haine pour moi? Voulez-vous l'épouser afin qu'elle me brave et mettre mon destin aux mains de mon esclave? Vous ne répondez point. Allez, enfants ingrats, pour qui je crus en vain conserver ces états. Mais madame, voyez que pour premier exploit. Mais que chacun de vous pense à ce qu'il me doit. Je sais bien que le sang qu'à vos mains je demande n'est pas le digne essai d'une valeur bien grande. Mais si vous me devez le sceptre et le jour, ce doit être envers moi le sceau de votre amour. Sans ce gage, ma haine n'a jamais son défi. Ce n'est qu'en m'imitant que l'on me justifie. Rien ne vous sert ici de faire les surpris. Je vous le dis encore, le trône est à ce prix. Je puis en disposer comme de ma conquête. Point d'aîné, point de roi, comme apportant sa tête. Et puisque mon seul choix vous y peut élever, pour jouir de mon crime, il le faut achever. Et Cléopâtre, suivi de Laomis, laisse les deux princes, Antiochus et Séleucus, confondus. Ne saurait-il souffrir qu'on règne innocemment? Quels attraits penses-tu qu'est pour nous la couronne? S'il faut qu'un crime égal par ta main nous la donne, et de quelles horreurs nous doit-elle combler si pour monter au trône il faut te ressembler? Gardons plus de respect aux droits de la nature et n'imputons qu'au sort notre triste aventure. Nous le nommions cruel, mais il nous était doux quand il ne nous donnait à combattre que nous. Confidents tout ensemble et rivaux l'un de l'autre, nous ne concevions pas de mal pareil au nôtre. Cependant, à nous voir l'un de l'autre rivaux, nous ne concevions pas la moitié de nos maux. Une douleur si sage et si respectueuse, ou n'est guère sensible ou guère impétueuse, laissant de tels maux avoir l'esprit bien fort d'en connaître la cause et l'imputer au sort. Pour moi, je sens les miens avec plus de faiblesse, plus leur cause m'est chère et plus l'effet m'en blesse. Non que pour m'en venger j'ose entreprendre rien, je donnerai encore tout mon sang pour le sien, Je sais ce que je dois, mais dans cette contrainte, si je retiens mon bras, je laisse aller ma plainte. Et j'estime qu'au point qu'elle nous a blessés, qui ne fait que s'en plaindre a du respect assez. Voyez-vous bien, quel est le ministère à infâme, cause exiger de nous la haine d'une femme? Voyez-vous qu'aspirant à des crimes nouveaux, de deux princes, ses fils, elle fait ses bourreaux? Si vous pouvez le voir, pouvez-vous vous en taire? Je vois bien plus encore. Je vois qu'elle est ma mère. Et plus je vois ce crime indigne de ce rang, plus je lui vois souiller la source de mon sang. J'en sens de ma douleur croître la violence. Mais ma confusion m'impose le silence lorsque, dans ces forfaits, sur nos fronts imprimés, je vois les traits honteux dont nous sommes formés. Je tâche à cet objet d'être aveugle ou stupide. J'ose me déguiser jusqu'à son parricide. Je me cache à moi-même un excès de malheur où notre ignominie égale ma douleur. Et détournant les yeux d'une mère cruelle, j'impute tout au sort qui m'a fait naître d'elle. Je conserve pourtant encore un peu d'espoir. Elle est mère, et le sang a beaucoup de pouvoir. Et le sort l'eût-il fait encore plus inhumaine, une larme d'un fils peut adoucir sa haine. Ah, mon frère, l'amour n'est guère véhément pour des fils élevés dans un bannissement, et qu'ayant fait nourrir presque dans l'esclavage, elle n'a rappelé que pour servir sa rage. De ses plaires, tant vantées, je découvre le phare. Nous avons en son cœur, vous et moi, peu de part. Elle fait bien sonner ce grand amour de mère, mais elle seule, enfin, s'aime et se considère. Et quoique nous étale un langage si doux, elle a tout fait pour elle et n'a rien fait pour nous. Ce n'est qu'un faux amour que la haine domine. Nous ayant embrassés, elle nous assassine. En veut au cher objet dont nous sommes épris. Nous demande son sang, mais le trône à ce prix. Ce n'est plus de sa main qu'il nous le faut attendre. Il est à nous si nous osons le prendre. Notre révolte ici n'a rien que d'innocent. Il est à l'un de nous si l'autre le consent. Régnons. Et son courroux ne sera que faiblesse. C'est l'unique moyen de sauver la princesse. Allons la voir, mon frère, et demeurons unis. C'est l'unique moyen de voir nos maux finis. Je forme un beau dessein que son amour m'inspire. Mais il faut qu'avec lui, notre union conspire. Notre amour, aujourd'hui si digne de pitié, ne saurait triompher que par notre amitié. Cet avertissement marque une défiance que la mienne pour vous souffre avec patience. Allons, et soyez sûrs que même le trépas ne peut rompre des nœuds que l'amour ne rompt pas. Cette scène entre les deux jeunes princes, Antiochus et Séleucus, termine le deuxième acte de la tragédie de Corneille, Rodogune, que vous entendez depuis le théâtre Sarah Bernhardt. Voici tout de suite le troisième acte. Au début du troisième acte, nous retrouvons la princesse Rodogune, Laonis et l'ambassadeur Oronte. Voilà comme l'amour succède à la colère. Comme elle ne me voit qu'avec des yeux de mère. Comme elle aime la paix. Comme elle fait un roi, et comme elle use enfin de ses fils et de moi. Et tantôt mes soupçons lui faisaient une offense. Elle n'avait rien fait qu'en sa juste défense. Lorsque tu la trompais, elle fermait les yeux. Ah, que ma défiance en jugeait beaucoup mieux, tu le vois, Laonis. Et vous voyez, madame, quelle fidélité vous conserve mon âme. Et qu'ayant reconnu sa haine et mon erreur, le cœur gros de soupirs et frémissant d'horreur, je romps une fois dû au secret de ma reine, et vous bien découvrir mon erreur et sa haine. Cet avis salutaire est l'unique secours à qui je crois devoir le reste de mes jours. Mais ce n'est pas assez de m'avoir averti. Il faut, de ces périls, m'aplanir la sortie. Il faut que tes conseils m'aident à repousser. Madame, au nom des dieux, veuillez m'en dispenser. C'est assez que pour vous, je lui sois infidèle, sans m'engager encore à des conseils contre elle. Oronte est avec vous, qui, comme ambassadeur, devait de cet hymen honorer la splendeur. Comme c'est en ses mains que le roi, votre frère, a déposé le soin d'une tête si chère, je vous laisse avec lui pour en délibérer. Quoi que vous résolviez, laissez-moi l'ignorer. Au reste, assurez-vous de l'amour des deux princes. Plutôt que de vous perdre, ils perdront leur province. Mais je ne réponds pas que ce cœur inhumain ne veuille à leur refus s'armer d'une autre main. Je vous parle en tremblant. Si j'étais ici vu, votre péril croîtrait, je serais perdue. Fuyez, grande princesse, et souffrez cet adieu. Va, je reconnaîtrai ce service en son lieu. Que ferons-nous, Oronte, en ce péril extrême où l'on fait de mon sang le prix d'un diadème? Fuirons-nous chez mon frère? Attendrons-nous la mort? Ou ferons-nous contre elle un généreux effort? Notre fuite, madame, est assez difficile. J'ai vu des gens de guerre épandus par la ville. Si l'on veut votre perte, on vous fait observer. Ou s'il vous est permis encore de vous sauver, la vie de Laonis est sans doute une adresse. Feignant de vous servir, elle sert sa maîtresse, la reine, qui surtout craint de vous voir régner, vous donne ses terreurs pour vous faire éloigner et pour rompre un hymen qu'avec peine elle endure. Elle en veut à vous-même imputer la rupture. Elle obtiendra par vous le but de ses souhaits et vous accusera de violer la paix. Et le roi, plus piqué contre vous que contre elle, vous voyant lui porter une guerre nouvelle, blâmera vos frayeurs et nos légèretés d'avoir osé douter de la foi des traités. Et peut-être pressé des guerres d'Arménie, vous laissera moquer et la reine impunie. Assez honteux moyen gardé de recourir. C'est ici qu'il vous faut ou régner ou périr. Le ciel pour vous ailleurs n'a point fait de couronne, et l'on s'en rend indigne alors qu'on l'abandonne. Ah, que de vos conseils j'aimerais la vigueur, si nous avions la force égale à ce grand cœur. Mais pourrons-nous braver une reine en colère avec ce peu de gens que m'a laissé mon frère? J'aurais perdu l'esprit si j'osais me vanter qu'avec ce peu de gens nous puissions résister. Nous mourrons à vos pieds. C'est toute l'assistance que vous peut en ces lieux offrir notre impuissance. Mais pouvez-vous trembler quand dans ces mêmes lieux vous portez le grand maître et les rois et les dieux? L'amour fera lui seul tout ce qu'il vous faut faire. Faites-vous un rempart des fils contre la mère. Ménagez bien leurs flammes, ils voudront tout pour vous. Et ces astres naissants sont adorés de tous. Quoique puisse en ces lieux une reine cruelle, pouvant tout sur ses fils, vous éprouvez plus qu'elle. Cependant, trouvez bon qu'en ces extrémités, je tâche à rassembler nos partes écartées. Ils sont peu mais vaillants, et peuvent de sa rage empêcher la surprise et le premier outrage. Craignez-moi. Et surtout, madame, en ce grand jour, si vous voulez régner, faites régner l'amour. Départ de Ronte. Rodogune est seule. Elle fait quelques pas. Quoi? Je pourrais descendre à ce lâche artifice d'aller de mes amants mendier le service. Et sous l'indigne appât d'un coup d'œil affêté, j'irai jusqu'en leur cœur chercher ma sûreté. Celles de ma naissance ont horreur des bassesses. leur sang tout généreux et ses molles adresses. Quel que soit le secours qu'ils me puissent offrir, je croirai faire assez de le daigner souffrir. Je verrai leur amour, j'éprouverai sa force sans flatter leur désir, sans leur jeter d'amorce. Et s'il est assez fort pour me servir d'appui, je le ferai régner. Mais en régnant sur lui, sentiments étouffés de colère et de haine, rallumez vos flambeaux à celle de la reine. Et d'un oubli contraint, rompez la dure loi pour rendre enfin justice aux mânes d'un grand roi. Rapportez à mes yeux son image sanglante, d'amour et de fureur encore étincelante, telle que je la vis quand tout percé de coups il me cria. Vengeance, adieu, je meurs pour vous. Chère ombre, hélas, bien loin de l'avoir poursuivi, j'allais baiser la main qui t'arracha la vie, rendre un respect de fille à qui versa ton sang. Mais pardonne au devoir que m'impose mon rang. Plus la haute naissance approche des couronnes, plus cette grandeur même a servi nos personnes. Nous n'avons point de cœur pour aimer ni haïr. Toutes nos passions ne savent qu'obéir. Après avoir armé pour venger cet outrage, d'une paix mal conçue, on m'a fait le gage. Et moi, fermant les yeux sur ce noir attentat, je suivais mon destin en victime d'État. Mais aujourd'hui qu'on voit cette main parricide, des restes de ta vie insolemment avide, vouloir encore percer ce sein infortuné pour y chercher le cœur que tu m'avais donné, de la paix qu'elle rompt, je ne suis plus le gage. Je brise avec honneur mon illustre esclavage. J'ose reprendre un cœur pour aimer et haïr. Et ce n'est plus qu'à toi que je veux obéir. Le consentiras-tu, cet effort sur ma flamme? Toi, son vivant portrait que j'adore dans l'âme. Cher prince, dont je n'ose en mes plus doux souhaits fier encore le nom au mur de ce palais, je sais quelles seront tes douleurs et tes craintes. Je vois déjà tes maux, j'entends déjà tes plaintes. Mais pardonne au devoir qu'exige enfin un roi à qui tu dois le jour qu'il a perdu pour moi. J'aurai même douleur, j'aurai même alarmes. S'il t'en coûte un soupir, j'en verserai des larmes. Mais, Dieu, que je me trouble en les voyant tous deux. Amour qui me confond, cache du moins tes feux. Et content de mon cœur dont je te fais le maître, dans mes regards surpris, garde-toi de paraître. Voici les deux jeunes princes, Antiochus et Séleucus. Ne vous offensez pas, princesse, de nous voir, de vos yeux, à vous-même expliquer le pouvoir. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nos cœurs en soupirent. À vos premiers regards, tous deux, ils se rendirent. Mais un profond respect nous fit taire et brûler. Et ce même respect nous force de parler. L'heureux moment approche, où votre destinée semble être aucunement à la nôtre enchaînée, puisque d'un droit d'aînesse incertain parmi nous, la nôtre attend un sceptre. Et la vôtre, un époux. C'est trop d'indignité que notre souveraine, de l'un de ses captifs, tienne le nom de reine, notre amour sans offense, et changeant cette loi, remet à notre reine à nous choisir un roi. Ne vous abaissez plus à suivre la couronne, donnez-la, sans souffrir qu'avec elle on vous donne, réglez notre destin, qu'ont mal réglé les dieux. Notre seul droit d'aînesse est de plaire à vos yeux. L'ardeur qu'allume en nous une flamme si pure préfère votre choix au choix de la nature et vient sacrifier à votre élection toute notre espérance et notre ambition. Prononcez donc, madame, et faites un monarque. Nous céderons sans honte à cette illustre marque, et celui qui perdra votre divin objet demeurera du moins votre premier sujet. Son amour immortel saura toujours lui dire que ce rang près de vous vaut ailleurs un empire. Il y mettra sa gloire, et dans un tel malheur, l'heure de vous obéir flattera sa douleur. Prince, je dois beaucoup à cette déférence de votre ambition et de votre espérance. Et j'en recevrai l'offre avec quelque plaisir si celle de mon rang avait droit de choisir. Comme sans leur avis, les rois disposent d'elles pour affermir leur trône ou finir leur querelle. Le destin des États est arbitre du leur, et l'ordre des traités règle tout dans leur cœur. C'est lui que suit le mien, et non pas la couronne. J'aimerai l'un de vous parce qu'il me l'ordonne. Du secret révélé, j'en prendrai le pouvoir, et mon amour pour naître attendra mon devoir. N'attendez rien de plus, où votre attente est vaine. Le choix que vous m'offrez appartient à la reine. J'entreprendrai sur elle à l'accepter de vous. Peut-être on vous a tu jusqu'où va son courroux. Mais je dois par épreuve assez bien le connaître pour fuir l'occasion de le faire renaître. Que n'en ai-je souffert et que n'a-t-elle osé? Je veux croire avec vous que tout est apaisé. Mais craignez avec moi que ce choix ne ranime cette haine mourante à quelque nouveau crime. Pardonnez-moi ce mot qui viole un oubli que la paix entre nous doit avoir établi. Pouvez-vous redouter sa haine renaissante s'il est en votre main de la rendre impuissante? Faites un roi, madame, et régnez avec lui. Son courroux des armées demeure sans appui, et toutes ses fureurs, sans effet rallumé, ne pousseront en l'air que de vaines fumées. La couronne est à nous, et sans lui faire injure, sans manquer de respect aux droits de la nature, chacun de nous à l'autre en peut céder sa part et rendre à votre choix ce qu'il doit au hasard. Qu'un si faible scrupule en notre faveur cesse, votre inclination vaut bien un droit d'aînesse. Au nom de ce beau feu qui tous deux nous consume, princesse, à notre espoir, ôtez cette amertume et permettez que l'heure qui suivra votre époux se puisse redoubler à le tenir de vous. Vous croyez que ce choix que l'un et l'autre attend pourra faire un heureux sans faire un mécontent? Et moi, quelque vertu que votre cœur prépare, je crains d'en faire deux si le mien se déclare. Non que de l'un et l'autre ils dédaignent les vœux, je tiendrais à bonheur d'être à l'un de vous deux. Mais souffrez que je suive enfin ce qu'on m'ordonne. Je me mettrai trop haut s'il faut que je me donne. Quoiqu'aisément je cède aux ordres de mon roi, il n'est pas bien aisé de m'obtenir de moi. Savez-vous quels devoirs, quels travaux, quels services voudront de mon orgueil exiger les caprices? Par quel degré de gloire on me peut mériter? En quels affreux périls il faudra vous jeter? Ce cœur vous est acquis après le diadème, prince, mais gardez-vous de le rendre à lui-même. Vous y renoncerez peut-être pour jamais quand je vous aurai dit à quel prix je le mets. Quels seront les devoirs, quels travaux, quels services dont nous ne vous fassions d'amoureux sacrifices? Et quels affreux périls pourrons-nous redouter si c'est par ces degrés qu'on peut vous mériter? Princesse, ouvrez ce cœur et jugez mieux du nôtre. Jugez mieux du beau feu qui brûle l'un et l'autre. Et dites hautement à quel prix votre choix veut faire l'un de nous le plus heureux des rois. Prince, le voulez-vous? C'est notre unique envie. Je verrai cette ardeur d'un repentir suivi. Avant ce repentir, tous deux nous périrons. Enfin, vous le voulez. Nous vous en conjurons. Eh bien donc, il est temps de me faire connaître. J'obéis à mon roi, puisqu'un de vous doit l'être. Mais quand j'aurai parlé, si vous vous en plaignez, j'atteste tous les dieux que vous m'y contraignez. Et que c'est malgré moi qu'à moi-même rendu, j'écoute une chaleur qui m'était défendue. Tremblez, prince. Tremblez au nom de votre père. Il est mort, et pour moi, par les mains d'une mère. Je l'avais oublié sujette à d'autres lois, mais libre, je lui rends enfin ce que je dois. C'est à vous de choisir mon amour ou ma haine. J'aime les fils du roi. Je hais ceux de la reine. Réglez-vous là-dessus, et sans plus me presser, voyez auquel des deux vous voulez renoncer. Il faut prendre parti. Mon choix suivra le vôtre. Je respecte autant l'un que je déteste l'autre. Mais ce que j'aime en vous du sang de ce grand roi, s'il n'est digne de lui, n'est pas digne de moi. Ce sang que vous portez, ce trône qu'il vous laisse, valent bien que pour lui votre cœur s'intéresse. Votre gloire le veut, l'amour vous le prescrit. Qui peut contre elle et lui soulever votre esprit? Si vous leur préférez une mère cruelle, soyez cruel, ingrat, parricide comme elle. Vous devez la punir si vous la condamnez. Vous devez l'imiter si vous la soutenez. Quoi? Cette ardeur s'éteint. L'un et l'autre soupirent. J'avais su le prévoir. J'avais su le prédire. Princesse! Il n'est plus temps! Le mot en est lâché. Quand j'ai voulu me taire, en vain je l'ai tâché. Appeler ce devoir haine, rigueur, colère. Pour gagner Rodogune, il faut venger un père. Je me donne à ce prix. Osez me mériter. Et voyez qui de vous daignera m'accepter. Adieu. Sorti de Rodogune, laissant les deux jeunes princes. C'est donc à ces contraintes les plus profonds respects d'un amour si parfait. Dans mon ambition, dans l'ardeur de ma flamme, je vois ce qu'est un trône et ce qu'est une femme. Et jugeant par leur prix de leur possession, j'éteins enfin ma flamme et mon ambition. Et je vous céderai l'un et l'autre avec joie, si dans la liberté que le ciel me renvoie, la crainte de vous faire un funeste présent ne me jetait dans l'âme un remords trop cuisant. Dérobons-nous, mon frère, à ces âmes cruelles, et laissons-les sans nous achever leur querelle. Comme j'aime beaucoup, j'espère encore un peu. L'espoir ne peut s'éteindre où brûle tant de feu. Et son reste confus me rend quelque lumière pour juger mieux que vous de ces âmes si fières. Croyez-moi, l'une et l'autre a redouté nos pleurs, leur fuite à nos soupirs a dérobé leur cœur. Et si tantôt leur haine eût attendu nos larmes, leur haine à nos douleurs aurait rendu les armes. Pleurez qu'à leurs yeux. Gémissez, soupirez, et je craindrai pour vous ce que vous espérez. Quoiqu'en votre faveur vos plaies obtiennent d'elles, il vous faudra parer leur haine mutuelle, sauver l'une de l'autre, et peut-être leur coup, vous trouvant au milieu, ne perceront que vous. C'est ce qu'il faut pleurer. Ni maîtresse, ni mère, n'ont plus de choix ici, ni de lois à nous faire. Quoi que leur rage exige, ou de vous, ou de moi, Rodogune est à vous, puisque je vous fais roi. Épargnez vos soupirs près de l'une et de l'autre. J'ai trouvé mon bonheur, saisissez-vous du vôtre. Je n'en suis point jaloux, et ma triste amitié ne le verra jamais que d'un œil de pitié. Que je serais heureux si je n'aimais un frère. Lorsqu'il ne veut pas voir le mal qu'il se veut faire, mon amitié s'oppose à son aveuglement. Elle agira pour vous, mon frère, également. Vous venez d'entendre, depuis le théâtre Sarah-Bernhardt, les trois premiers actes de Rodogune, tragédie en cinq actes de Pierre Corneille, avec Madame Edwige Feuillère dans le rôle de la reine Cléopâtre. Vous allez tout de suite entendre le quatrième acte. Vous savez ce qui s'est passé au cours des trois premiers. La reine Cléopâtre aime par-dessus tout, son trône. Elle a commis tous les crimes, elle les commettra tous pour le garder. Elle a rappelé ses deux fils, les princes Antiochus et Séleucus, deux jumeaux, pour désigner l'aîné et lui donner le trône. Les deux princes sont amoureux tous deux d'une captive, la princesse Rodogune. Mais la mère des deux princes leur dit que le trône appartiendra à celui qui tuera Rodogune qu'elle déteste. De son côté, la princesse Rodogune dit aux deux princes qu'elle épousera celui qui tuera la reine Cléopâtre. Et le troisième acte est achevé sur une scène déchirante entre les deux frères qui s'aiment, qui aiment Rodogune, qui ne tiennent pas du tout au pouvoir et qui ne peuvent se décider à commettre un crime. Au début du quatrième acte sont en scène Antiochus et Rodogune. Princesse, aucun de nous ne serait téméraire jusqu'à s'imaginer qu'il eut l'heure de vous plaire. Je vois votre mérite et le peu que je vaux, et ce rival si cher connaît mieux ses défauts. Mais si tantôt ce cœur parlait par votre bouche, il veut que nous croyions qu'un peu d'amour le touche et qu'il daigne écouter quelques-uns de nos voeux, puisqu'il tient à bonheur d'être à l'un de nous deux. Si c'est présomption de croire ce miracle, c'est une impiété de douter de l'oracle et mériter les mots où vous nous condamnez qu'éteindre un bel espoir que vous nous ordonnez. Princesse, au nom des dieux, au nom de cette flamme. Un mot ne fait pas voir jusqu'au fond d'une âme. Et votre espoir trop prompt prend trop de vanité des termes obligeants de ma civilité. Je l'ai dit, il est vrai. Mais quoi qu'il en puisse être, méritez cet amour que vous voulez connaître. Lorsque j'ai soupiré, ce n'était pas pour vous, J'ai donné ces soupirs aux mânes d'un époux. Et ce sont les effets du souvenir fidèle que sa mort à toute heure en mon âme rappelle. Prince, soyez ses fils et prenez son parti. Recevez donc ce cœur, en nous deux répartis. Ce cœur qu'un saint amour rangea sous votre empire. Ce cœur pour qui le vôtre à tout moment soupire. Ce cœur, en vous aimant indignement percé, reprend pour vous aimer le sang qu'il a versé. Il le reprend en nous, il revit. Il vous aime et montre en vous aimant qu'il est encore le même. Ah, princesse, dans l'état où le sort nous a mis, pouvons-nous mieux montrer que nous sommes ses fils? Si c'est son cœur en vous qui revit et qui m'aime, faites ce qu'il ferait s'il vivait en lui-même. À ce cœur qu'il vous laisse, osez prêter un bras. Pouvez-vous le porter et ne l'écoutez pas? S'il vous explique mal ce qu'il en doit attendre, il emprunte ma voix pour se mieux faire entendre. Une seconde fois, il vous le dit par moi, prince, il faut le venger. J'accepte cette loi. Nommez les assassins. Et j'y cours. Quel mystère vous faites en l'acceptant, méconnaître une mère. Ah, si vous ne voulez voir finir nos destins, nommez d'autres vengeurs ou d'autres assassins. Ah, je vois trop régner son parti dans votre âme. Prince, vous le prenez? Oui, je le prends, madame. Et j'apporte à vos pieds le plus pur de son sang que la nature enferme en ce malheureux flanc. Satisfaite vous-même à cette voix secrète dont la vôtre envers nous daigne être l'interprète, exécutez son ordre. Et hâtez-vous sur moi de punir une reine et de venger un roi. Mais quitte par ma mort d'un devoir si sévère, écoutez-en un autre en faveur de mon frère. De deux princes unis à soupirer pour vous, prenez l'un pour victime et l'autre pour époux. Punissez un des fils des crimes de la mère, mais payez l'autre aussi des services du père, et donnez un exemple à la postérité, et de rigueur entière, et d'entière équité. Quoi? N'écouterez-vous ni l'amour, ni la haine? Ne pourrais-je obtenir ni salaire, ni peine? Ce cœur qui vous adore et que vous dédaignez... Hélas, prince. Est-ce encore le roi que vous plaignez? Ce soupir ne va-t-il que vers l'ombre d'un père? Allez, ou pour le moins rappelez votre frère. Le combat pour mon âme était moins dangereux lorsque je vous avais à combattre tous deux. Vous êtes plus fort seul que vous n'étiez ensemble. Je vous bravais tantôt. Et maintenant je tremble. J'aime. N'abusez pas, prince, de mon secret. Au milieu de ma haine, il m'échappe à regret, mais enfin il m'échappe. Et cette retenue ne peut plus soutenir l'effort de votre vue. Oui, j'aime un de vous deux malgré ce grand courroux. Ce dernier soupir dit assez que c'est vous. Prince, en votre faveur, je ne puis davantage. L'orgueil de ma naissance enfle encore mon courage. et quelque grand pouvoir que l'amour ait sur moi, je n'oublierai jamais que je me dois à un roi. Oui, malgré mon amour, j'attendrai d'une mère que le trône me donne, ou vous, ou votre frère. Attendant son secret, vous aurez mes désirs, et s'il le fait régner, vous aurez mes soupirs. C'est tout ce qu'à mes feux ma gloire peut permettre, et tout ce qu'à vos feux les miens osent promettre. Que voudrais-je de plus? Son bonheur est le mien. Rendez heureux ce frère, et je ne perdrai rien. L'amitié le consent si l'amour l'appréhende. Je bénirai le ciel d'une perte si grande. Et quittant les douceurs de cet espoir flottant, je mourrai de douleur, mais je mourrai content. Et moi, si mon destin entre ses mains me livre, pour un autre que vous, s'il m'ordonne de vivre, mon amour, adieu, mon esprit se confond. Prince, si votre flamme à la mienne répond, si vous n'êtes ingrat à ce cœur qui vous aime, ne me revoyez point qu'avec le diadème. Sorti de Rodogun, Antiochus reste seul, à genoux. Les plus doux de mes voeux, enfin sont exaucés. Tu viens de vaincre, amour. Mais ce n'est pas assez. Si tu veux triompher en cette conjoncture, après avoir vaincu, fais vaincre la nature et prête-lui pour nous ces tendres sentiments que ton ardeur inspire au cœur des vrais amants, cette pitié qui force et ces dignes faiblesses dont la vigueur détruit les fureurs vengeresses. Voici la reine. Amour, nature, juste Dieu, faites-la moi fléchir ou mourir à ses yeux. Eh bien, Antiochus, où dois-je la couronne? Madame, vous savez si le ciel me la donne? Vous savez mieux que moi si vous la méritez. Je sais que je péris si vous ne m'écoutez. Un peu trop lent, peut-être, à servir ma colère. Vous vous êtes laissé prévenir par un frère. Il a su me venger quand vous délibériez, et je dois à son bras ce que vous espériez. Je vous en plains, mon fils. Ce malheur est extrême. C'est périr, en effet, que perdre un diadème. Je n'y sais qu'un remède. Encore est-il fâcheux, étonnant, incertain et triste pour tous deux. Je périrai moi-même avant que de le dire, mais enfin on perd tout quand on perd un empire. Le remède à nos maux est tout dans votre main. Il n'a rien de fâcheux, d'étonnant, d'incertain. Votre seule colère a fait notre infortune. Nous perdons tout, madame, en perdant Rodogun. Nous l'adorons tous deux. Jugez en quel tourment nous jette la rigueur de vos commandements. L'aveu de cet amour sans doute vous offense, mais enfin nos malheurs croissent par le silence. Et votre cœur, qu'aveugle un peu d'inimitié, s'il ignore nos maux, n'en peut prendre pitié. Au point où je les vois, c'en est le seul remède. Que l'aveugle fureur vous-même vous possède. Avez-vous oublié que vous parlez à moi? Ou si vous présumez être déjà mon roi? Je tâche avec respect à vous faire connaître les forces d'un amour que vous avez fait naître. Moi, j'aurais allumé cet insolent amour. Et quel autre prétexte a fait notre retour? Nous avez-vous mandé qu'afin qu'un droit d'aînesse donne à l'un de nous le trône et la princesse? Vous avez bien fait plus. Vous nous l'avez fait voir, et c'était par vos mains, nous mettre en son pouvoir. Qui de nous deux, madame, eût osé s'en défendre quand vous nous ordonniez à tous deux d'y prétendre? Si sa beauté dès lors n'eût allumé nos feux, le devoir auprès d'elle eût attaché nos voeux, le désir de régner eût fait la même chose. Et dans l'ordre des lois que la paix nous impose, nous devions aspirer à sa possession par amour, par devoir ou par ambition. Nous avons donc aimé. Nous avons cru vous plaire. Chacun de nous n'a craint que le bonheur d'un frère. Et cette crainte enfin cédant à l'amitié, j'implore pour tous deux un moment de pitié. Avons-nous dû prévoir cette haine cachée que la foi des traités n'avait point arrachée? Non! Mais vous avez dû garder le souvenir des hontes que pour vous j'avais su prévenir et de l'indigné état où votre Rodogune, sans moi, sans mon courage, eût mis votre fortune. Je croyais que vos cœurs sensibles à ses coups en seraient conservés un généreux courroux et je le retenais avec ma douceur feinte afin que, grossissant sous un peu de contrainte, ce torrent de colère et de ressentiment fût plus impétueux en son débordement. Je fais plus maintenant, je presse, sollicite, je commande, menace, et rien ne vous irrite. Le sceptre dont ma main vous doit récompenser n'a point de quoi vous faire un moment balancer. Vous ne considérez ni lui ni mon injure. L'amour étouffe en vous la voix de la nature. Je pourrais aimer des fils dénaturés. La nature et l'amour ont leurs droits séparés. L'un n'ôte point à l'autre une âme qu'il possède. Non, non. Où l'amour règne, il faut que l'autre cède. Leurs charmes à nos cœurs sont également doux. Nous périrons tous deux s'il faut périr pour vous, mais aussi... Poursuivez, fils ingrat et rebelle. Nous périrons tous deux s'il faut périr pour elle. Périssez. Périssez. Votre rébellion mérite plus d'horreur que de compassion. Mes yeux sauront le voir sans verser une larme, sans regarder en vous que l'objet qui vous charme. Et je triompherai, voyant périr mes fils, de ses adorateurs et de mes ennemis. Eh bien, triomphez-en, que rien ne vous retienne. Votre main tremble-t-elle? Y voulez-vous la mienne? Madame, commandez, je suis prêt d'obéir. Je percerai ce cœur qui vous ose trahir. Heureux, si par ma mort je puis vous satisfaire et noyer dans mon sang toute votre colère. La reine tient le poignard. Si la dureté de votre aversion nomme encore notre amour une rébellion, du moins, souvenez-vous qu'elle n'a pris pour arme que de faibles soupirs et d'impuissantes larmes. Oh, que n'a-t-elle pris la flamme et le fer, que bien plus aisément j'en serais triomphé. Elle va vers son trône, s'appuie contre lui. Vos larmes dans mon cœur ont trop d'intelligence. Elles ont presque éteint cette ardeur de vengeance. Je ne puis refuser des soupirs à vos pleurs. Je sens que je suis mère auprès de vos douleurs. C'en est fait, je me rends. Et ma colère expire. Elle a jeté le poignard. Rodogune est à vous aussi bien que l'Empire. Rendez grâces aux dieux qui vous ont fait l'aîné. Possédez-la. Régnez. Ô moment fortuné. Ô trop heureuse fin de l'excès de ma peine. Je rends grâces aux dieux qui calment votre haine. Madame, est-il possible? En vain j'ai résisté, La nature est trop forte et mon cœur s'est tenté. Je ne vous dis plus rien. Vous aimez votre mère et votre amour pour moi taira ce qu'il faut taire. Quoi ? Je triomphe donc sur le point de périr. La main qui me blessait a daigné me guérir. Oui, je veux couronner une flamme si belle. Allez à la princesse emporter la nouvelle. Son cœur, comme le vôtre, en deviendra charmé. Vous n'aimeriez pas tant si vous n'étiez aimé. Heureuse Antiochus, heureuse Rodogune. Oui, madame, entre nous, la joie en est commune. Allez donc, ce qu'ici vous perdez de moment sont autant de larcins à vos contentements. Et ce soir, destiné pour la cérémonie, fera voir pleinement si ma haine est finie. Et nous vous ferons voir tous nos désirs bornés, à vous donner en nous des sujets couronnés. Sors, Queen Antiochus. Ce grand courage a vaincu sa colère. Que ne peut point un fils sur le cœur d'une mère? Vos larmes coulent encore, et ce cœur adouci. Envoyez-moi son frère et nous laissez ici. Sa douleur sera grande, à ce que je présume, mais j'en saurai sur l'heure adoucir l'amertume. Ne lui témoignez rien, il lui sera plus doux d'apprendre tout de moi qu'il ne saurait de vous. Cléopâtre demeure seule. Que tu pénètres mal le fond de mon courage. Si je verse des pleurs, ce sont des pleurs de rage. Et ma haine, qu'en vain tu crois s'évanouir, ne les a fait couler qu'afin de t'éblouir. Je ne veux plus que moi dedans ma confidence. Et toi, crédule amant que charme l'apparence, et dont l'esprit léger s'attache avidement aux attraits captieux de mon déguisement. Va, triomphe en idée avec ta Rodogune, au sort des immortels, préfère ta fortune, tandis que mieux instruite en l'art de me venger, en de nouveaux malheurs, je saurai te plonger. Ce n'est pas tout d'un coup que tant d'orgueil trébuche. Qui se rend trop tôt doit craindre une embûche, et c'est mal démêler le cœur d'avec le front que prendre pour sincère un changement si prompt. L'effet te fera voir comme je suis changée. Voici Séleucus. Savez-vous, Séleucus, que je me suis vengée? Pauvre princesse, hélas. Vous déplorez son sort? Quoi, l'aimiez-vous? Assez pour regretter sa mort. Vous lui pouvez servir encore d'amant fidèle. Si j'ai su me venger, ce n'a pas été d'elle. Au ciel, et de qui donc, madame? C'est de vous, ingrat, qui n'aspirez qu'à vous voir son époux. De vous, qui l'adorez en dépit d'une mère. De vous, qui dédaignez de servir ma colère. De vous, de qui l'amour, rebelle à mes désirs, s'oppose à ma vengeance et détruit mes plaisirs. De moi! De toi, perfide! Ignore, dissimule le mal que tu dois craindre et le feu qui te brûle. Et si pour l'ignorer tu crois t'en garantir, du moins en l'apprenant, commence à le sentir. Le trône était à toi par le droit de naissance. Rodogune avec lui tombait en ta puissance. Tu devais l'épouser, tu devais être roi. Mais comme ce secret n'est connu que de moi, je puis, comme je veux, tourner le droit d'aînesse et donne à ton rival ton sceptre et ta maîtresse. À mon frère. C'est lui que j'ai nommé l'aîné. Vous ne m'affligez point de l'avoir couronné. Et par une raison qui vous est inconnue, mes propres sentiments vous avez prévenu. Les biens que vous m'ôtez n'ont point d'être si doux que mon cœur n'ait donné à ce frère avant vous. Et si vous bornez là toute votre vengeance, vos désirs et les miens seront d'intelligence. C'est ainsi qu'on déguise un violent dépit. C'est ainsi qu'une feinte au dehors l'assoupit. Quoi ? Je conserverai quelques coups au secret ! Quoi, lâche ? Tu pourrais la perdre sans regret ! Elle, de qui les dieux te donnaient l'hyménée. Elle, dont tu plaignais la perte imaginée. Considérer sa perte avec compassion, ce n'est pas aspirer à sa possession. Que la mort la ravisse ou qu'un rival l'emporte, la douleur d'un amant est également forte, et elle qui se console après l'instant fatal ne saurait voir son bien aux mains de son rival. Piqué jusqu'au vif, il tâche à le reprendre, il fait de l'insensible afin de mieux surprendre, d'autant plus animé que ce qu'il a perdu par rang ou par mérite à sa flamme était dû. Peut-être, mais enfin... Par quel amour de mère pressez-vous tellement ma douleur contre un frère ? Prenez-vous intérêt à la faire éclater ? J'en prends à la connaître et la faire avorter. J'en prends à sauver malgré toi mon ouvrage des jaloux attentats de ta secrète rage. Je le veux croire ainsi. Mais quel autre intérêt nous fait tous deux aînés quand et comme il vous plaît ? Qui des deux vous doit croire ? Et par quelle justice faut-il que sur moi seul tombe tout le supplice, et que du même amour dont nous sommes blessés, il soit récompensé quand vous m'en punissez? Comme reine à mon choix, je fais justice ou grâce. Et je m'étonne fort. D'où vient cette audace ? D'où vient qu'un fils, vers moi noirci de trahison, ose de mes faveurs me demander raison ? Vous pardonnerez donc ces chaleurs indiscrètes. Je ne suis point jaloux du bien que vous lui faites. Et je vois quel amour vous avez pour tous deux. Plus que vous ne pensez, plus que je ne veux. Le respect me défend d'en dire davantage. Je n'ai ni faute Dieu, ni faute de courage, madame. Mais enfin, n'espérez voir en moi qu'amitié pour mon frère et zèle pour mon roi. Adieu. Sénécus s'est éloigné. La reine est seule sur son trône. Elle guette son départ. Quel malheur suis-je encore capable ? Leur amour m'offensait, leur amitié m'accable, et contre mes fureurs, je trouve en mes deux fils deux enfants révoltés et deux rivaux unis. Quoi ? Sans émotion, perdre trône et maîtresse ? Quel est ici ton charme, odieuse princesse ? Et par quel privilège, allumant de tels feux, peux-tu n'en prendre qu'un et m'ôter tous les deux ? N'espère pas pourtant triompher de ma haine. Pour régner sur deux cœurs, tu n'es pas encore reine. Je sais bien qu'en l'état, tous ou deux, je les vois, il me les faut percer pour aller jusqu'à toi. Mais qu'importe, mes mains sur le père enhardi, pour un bras refusé, sauront prendre deux vies. Leurs jours également sont pour moi dangereux. J'ai commencé par lui, j'achèverai par eux. Sors de mon cœur, nature, ou fais qu'ils m'obéissent. Fais-les servir ma haine, ou consens qu'ils périssent. Mais déjà l'un a vu que je les veux punir, souvent qui tarde trop se laisse prévenir. Allons chercher le temps d'immoler mes victimes et de me rendre heureuse à force de grands crimes. Cléopâtre a le poignard à la main. Elle se lève, regarde le poignard. Elle paraît avoir pris une décision qu'elle va exécuter. Et le poignard devant elle, elle monte l'escalier, pendant qu'au fond, nous voyons le prince Séleucus qui passe lentement. Cléopâtre monte l'escalier, va vers Séleucus et elle le frappe. Et après ce crime, voici le cinquième acte. À nouveau, la reine Cléopâtre. Elle descend l'escalier. Enfin, grâce aux dieux, j'ai moins d'un ennemi. La mort de Séleucus m'a vengé à demi. Son ombre, en attendant Rodogune et son frère, peut déjà de ma part les promettre à son père. Ils te suivront de près. Et j'ai tout préparé pour réunir bientôt ce que j'ai séparé. Oh, toi qui n'attends plus que la cérémonie pour jeter à mes pieds ma rivale punie, et par qui deux amants vont d'un seul coup du sort recevoir l'hyménée, le trône et la mort, poison, me sauras-tu rendre mon diadème? Le fer m'a bien servi. En feras-tu de même? Me seras-tu fidèle? La reine dépose la coupe empoisonnée. Et toi, que me veux-tu? Ridicule retour d'une sotte vertu, tendresse dangereuse, autant comme importune. Je n'avais point pour fils l'époux de Rodogune. Trône, à t'abandonner, je ne puis consentir. Par un coup téméraire, il vaut mieux en sortir. Il vaut mieux mériter le sort le plus étrange. Tombe sur moi le ciel, pourvu que je me venge. J'en recevrai le coup d'un visage remis. Il est doux de périr après ses ennemis. Et de quelque rigueur que le destin me traite, je perds moins à mourir qu'à vivre leur sujette. Viennent-ils, nos amants? Ils approchent, madame. On lit dessus leur front l'allégresse de l'âme. L'amour s'y fait paraître avec la majesté. Et suivant le vieil ordre en Syrie usité, d'une grâce en tous deux, tout auguste et royale, ils viennent prendre ici la coupe nuptiale. Pour s'en aller au temple, au sortir du palais, par les mains du grand prêtre, être unis à jamais. Les Parthes à la foule, aux Syriens mêlés, tous nos vieux différents de leur âme exilée, font leur suite assez grosse, et d'une voix commune bénissent à l'envi le prince et Rodogune. Mais je les vois déjà. Madame, c'est à vous à commencer ici des spectacles si doux. Voici Antiochus et la princesse Rodogune. La reine les voit venir. Elle a revêtu le manteau royal, elle a sa couronne. Elle est sur son trône. Approchez, mes enfants, car l'amour maternel, madame, dans mon cœur vous tient déjà pour tel. Et je crois que ce nom ne vous déplaira pas. Je le chérirai même au-delà du trépas. Il m'est trop doux, madame. Et tout l'heure que j'espère, c'est de vous obéir et respecter en mère. Aimez-moi seulement. Vous allez être roi. Et s'il faut du respect, c'est moi qui vous le dois. Ah, si nous recevons la suprême puissance, ce n'est pas pour sortir de votre obéissance. Vous régnerez ici quand nous y régnerons, et ce seront vos lois que nous y donnerons. J'ose le croire ainsi. Mais prenez votre place. Il est temps d'avancer ce qu'il faut que je fasse. Peuple qui m'écoutait, Parthes et Syriens, sujet du roi, son frère, ou qui fût les miens, voici de mes deux fils, celui qu'un droit d'aînesse élève dans le trône et donne à la princesse. Je lui rends cet état que j'ai sauvé pour lui. Je cesse de régner. Il commence aujourd'hui. Qu'on ne me traite plus ici de souveraine. Voici votre roi, peuple. Et voilà votre reine. Vivez pour les servir. Respectez-les tous deux. Aimez-les. Et mourrez, s'il est besoin, pour eux. Oran, vous voyez avec quelle franchise je leur rends ce pouvoir dont je me suis démise. Prêtez les yeux au reste. Et voyez les effets suivre de point en point les traités de la paix. Y mène maintenant notre plus cher souci. L'usage veut, mon fils, qu'on le commence ici. Recevez de ma main la coupe nuptiale pour être, après, unis sous la foi conjugale. Ciel, que ne dois-je point aux bontés d'une mère? Le temps presse, et votre heure d'autant plus se diffère. Madame, attendons ces glorieux moments. Voici l'heureux essai de nos contentements. Mais si mon frère était le témoin de ma joie... C'est être trop cruel de vouloir qu'il la voie. Ce sont des déplaisirs qu'il fait bien d'épargner, et sa douleur secrète a droit de l'éloigner. Il m'avait assuré qu'il la verrait sans peine. Mais n'importe. Achevons. Antiochus et la princesse vont boire à la coupe empoisonnée. Timagène ! Quelle est votre insolence ? Oh, madame ! Parlez ! Souffrez pour un moment que mes sens rappelaient. Qu'est-il donc arrivé ? Le prince, votre frère. Quoi ? Se voudrait-il rendre à mon bonheur, contraire ? L'ayant cherché longtemps... Afin de divertir l'ennui que de sa perte il pouvait ressentir. Je l'ai trouvé, Seigneur, au bout de cette allée où la clarté du ciel semble toujours voilée. Sur un lit de gazon, de faiblesse étendue, il semblait déplorer ce qu'il avait perdu. Son âme à ce penser paraissait attachée, sa tête sur un bras languissamment penché, immobile et rêveur, oh malheureux amant. Enfin, que faisait-il ? Achevez promptement ! Une profonde plaie en l'estomac ouverte. Son sang, un gros bouillon sur cette couche verte. Il est mort ! Oui, madame ! Ah, destins ennemis qui m'enviez le bien que je m'étais promis. Voilà le coup fatal que je craignais dans l'âme. Voilà le désespoir où l'a réduit sa flamme. Pour vivre en vous perdant, il avait trop d'amour, madame. Et de sa main, il s'est privé du jour. Madame, il a parlé. Sa main est innocente. La tienne est donc coupable. Et ta rage insolente par une lâcheté qu'on ne peut égaler, l'ayant assassiné, le fait encore parler. Imagine, souffrez la douleur d'une mère et les premiers soupçons d'une aveugle colère. Comme ce coup fatal n'a point d'autres témoins, j'en ferai autant qu'elle à vous connaître moins. Mais que vous a-t-il dit? Achevez, je vous prie. Surpris d'un tel spectacle, à l'instant je m'écrie. Et soudain m'écrie ce prince en soupirant, avec assez de peine entr'ouvre un œil mourant. Et ce reste égaré de lumière incertaine, lui peignant son cher frère au lieu de Timagène. Rempli de votre idée, il m'adresse pour vous ces mots, où l'amitié règne sur le courroux. Une main qui nous fut bien chère venge ainsi le refus d'un coup trop inhumain. Régnez! Et surtout, mon cher frère, gardez-vous de la même main, c'est... La parque, ces mots lui coupent la parole. Sa lumière s'éteint et son âme s'envole. Et moi, tout effrayé d'un si tragique sort, j'accours pour vous en faire un funeste rapport. Ô frère, plus aimé que la clarté du jour, ô rival, aussi cher que m'était mon amour, je te perds. Et je trouve en ma douleur extrême un malheur dans ta mort plus grand que ta mort même. Mais aux marques enfin que tu m'en viens donner, fatale obscurité, qui dois-je soupçonner? Une main qui nous fut bien cher. Madame, est-ce la vôtre ou celle de ma mère? Vous vouliez toutes deux un coup trop inhumain. Nous vous avons tous deux refusé notre main. Qui de vous s'est vengé? Est-ce l'une? Est-ce l'autre qui fait agir la sienne au refus de la nôtre? Est-ce vous, qu'en coupable il me faut regarder? Est-ce vous, désormais, dont je me dois garder? Quoi, vous me soupçonnez? Quoi, je vous suis suspect? Je suis amant et fils! Je vous aime et respecte. Mais quoi que sur mon cœur puisse des noms si doux, à ces marques enfin je ne connais que vous. As-tu bien entendu? Dis-tu vrai, Timagène? Avant qu'en soupçonner la princesse ou la reine, je mourrai mille fois. Mais enfin, mon récit contient, sans rien de plus, ce que le prince a dit. D'un et d'autre côté, l'action est si noire que n'en pouvant douter, je n'ose encore la croire. Oh, quiconque des deux avait versé son sang, ne vous préparez plus à me percer le flanc. Nous avons mal servi vos haines mutuelles, au jour l'une de l'autre, également cruelles. Mais si j'ai refusé ce détestable emploi, je veux bien vous servir, toutes deux contre moi. Qui que vous soyez, donc, recevez une vie que déjà vos fureurs m'ont à demi ravi. Ah, Seigneur, arrêtez! Seigneur, que faites-vous? Je sers une ou l'autre et je préviens ses coups. Vivez! Régnez heureux! Ôtez-moi donc de doute et montrez-moi la main qu'il faut que je redoute. Qui pour m'assassiner ose me secourir et me sauve de moi pour me faire périr? Puis-je vivre et traîner cette gêne éternelle, confondre l'innocente avec la criminelle, vivre et ne plus pouvoir vous voir sans m'alarmer, vous craindre toutes deux vous aimer, vivre avec ce tourment, c'est mourir à toute heure. Tirez-moi de ce trouble ou souffrez que je meure. Puisque le même jour que ma main vous couronne, je perds un de mes fils et l'autre me soupçonne qu'au milieu de mes pleurs qu'il devrait essuyer, son peu d'amour me force à me justifier. Si vous n'en pouvez mieux consoler une mère qu'en la traitant d'égal avec une étrangère, je vous dirai, Seigneur, car ce n'est plus à moi, non, mais autrement, et mon juge et mon roi, que vous voyez l'effet de cette vieille haine qu'en dépit de la paix me garde l'inhumaine, quand son cœur du passé soutient le souvenir et que j'avais raison de vouloir prévenir. Elle a soif de mon sang. Elle a voulu l'épandre. J'ai prévu d'assez loin ce que j'en viens d'apprendre, mais je vous ai laissé désarmer mon courroux. Sur la foi de ses pleurs, je n'ai rien craint de vous, madame. Mais, ô Dieu, quelle rage est la vôtre! Quand je vous donne un fils, vous assassinez l'autre et m'enviez soudain l'unique et faible appui qu'une mère opprimée eût pu trouver en lui. Quand vous m'accablerez, où sera mon refuge? Si je m'en plains au roi, vous possédez mon juge. Et s'il m'ose écouter, peut-être, hélas, en vain, il voudra se garder de cette même main. Enfin, je suis leur mère et vous leur ennemi. J'ai recherché leur gloire et vous leur infamie. Et si je n'eusse aimé ces fils que vous m'ôtez, votre abord en ces lieux les eût déshérités. C'est à lui maintenant, en cette concurrence, à régler ses soupçons sur cette différence, à voir de qui des deux il doit se défier, si vous n'avez un charme à vous justifier. Je me défendrai mal. L'innocence étonnée ne peut s'imaginer qu'elle soit soupçonnée. Et n'ayant rien prévu d'un attentat si grand, qu'il en veut accuser, sans peine la surprend. Je ne m'étonne point de voir que votre haine, pour me faire coupable, a quitté Timagène, au moindre jour ouvert de tout jeter sur moi. Son récit s'est trouvé digne de votre foi. Vous l'accusiez pourtant, quand votre âme alarmée craignait qu'en expirant, ce fils vous eût nommé. Mais de ces derniers mots, voyant le sens douteux, vous avez pris soudain le crime entre nous deux. Certes, si vous voulez passer pour véritable que l'une de nous deux de sa mort soit coupable, je veux bien, par respect, ne vous imputer rien. Mais votre bras au crime est plus fait que le mien, et qui sur un époux fit son apprentissage, a bien pu sur un fils achever son ouvrage. Je ne dénierai point, puisque vous les savez, de justes sentiments dans mon âme élevée. Vous demandiez mon sang, j'ai demandé le vôtre. Le roi sait quels motifs ont poussé l'une et l'autre. Comme par sa prudence il a tout adouci, il vous connaît peut-être et me connaît aussi. Seigneur, c'est un moyen de vous être bien cher que pour don nuptial vous immoler un frère. On fait plus, on m'impute un coup si plein d'horreur pour me faire un passage à vous percer le cœur. Où fuirais-je de vous après tant de furie, madame? Et que ferait votre Syrie, où seul et sans appui, contre vos attentats, je verrai? Mais, Seigneur, vous ne m'écoutez pas! Non! Je n'écoute rien! Et dans la mort d'un frère, je ne veux point juger entre vous et ma mère. Assassiner un fils, massacrer un époux, je ne veux me garder ni d'elle ni de vous! Suivons aveuglément ma triste destinée. Pour m'exposer à tout, achevons l'hyménée. Chers frères, c'est pour moi le chemin du trépas. La main qui t'a percé ne m'épargnera pas. Je cherche à te rejoindre, et non à m'en défendre, et lui veut bien donner tout lieu de me surprendre. Donnez-moi. Quoi, Seigneur ? Vous m'arrêtez en vain. Donnez. Ah, gardez-vous de l'une et l'autre main. Cette coupe est suspecte, elle vient de la reine. Craignez de toutes deux quelques secrets de haine. Qui m'épargnait tantôt, ose enfin m'accuser. De toutes deux, madame, il doit tout refuser. Je n'accuse personne et vous tiens innocente, mais il en faut sur l'heure une preuve évidente. Je veux bien à mon tour subir les mêmes lois. On ne peut craindre trop pour le salut des rois. Donnez-moi. Donnez donc cette preuve, et pour toute réplique, faites faire un essai par quelques domestiques. Je le ferai moi-même. Et Cléopâtre prend la coupe des mains d'Antiochus. Elle boit à la coupe dont elle sait qu'elle est empoisonnée. Elle rend maintenant la coupe à Antiochus. Bien. Redoutez-vous quelque sinistre effet encore de mon courroux ? Antiochus va boire. Il repose la coupe. J'ai souffert cet outrage avec patience ! Pardonnez-lui, madame, un peu de défiance. Comme vous l'accusez, elle fait son effort à rejeter sur vous l'horreur de cette mort. Et soit amour pour moi, soit adresse pour elle, ce soin la fait paraître un peu moins criminelle. Pour moi, qui ne vois rien dans le trouble où je suis qu'un gouffre de malheur, qu'un abîme d'ennui, attendant qu'en plein jour ces vérités paraissent, j'en laisse la vengeance aux dieux qui les connaissent. Et vais sans plus tarder. Seigneur, voyez ses yeux, déjà tout égaré, trouble et furieux. Cette affreuse sueur qui court sur son visage, cette gorge qui s'enfle. Oh grand Dieu, quelle rage! Ah! Tu me veux rappeler à la vie. Mais elle est trop fidèle et m'a trop bien servi. Elle a paru trop tôt pour te perdre avec moi. C'est le seul déplaisir qu'un ange reçoit. Mais j'ai cette douceur dans cette disgrâce de ne voir point régner ma rivale en ma place. Je n'aimais que le trône. Et de son droit douteux, j'espérais faire un don fatal à tous les deux. Règne ! De crime, enfin, te voilà roi. Je t'ai défait d'un père et d'un frère et de moi. Puisse le ciel tous deux vous prendre pour victime et laisser choir sur vous les peines de mes crimes. Puissiez-vous ne trouver dedans votre union qu'horreur, que jalousie et que confusion, et pour vous souhaiter tous les malheurs ensemble, puisse naître de vous un fils qui me ressemble. Ah, vivez pour changer cette haine en amour. Me maudiraient les dieux s'ils me rendaient un jour qu'on m'emporte d'ici. Je me meurs, Lannis. Si tu veux m'obliger par un dernier service, après les vains efforts de mes inimitiés, sauve-moi de l'affront de tomber à leurs pieds. Antiochus est à genoux. Cléopâtre fait un effort pour se maintenir. Et, par un dernier sursaut de sa volonté, elle fait quelques pas seule et elle va monter l'escalier, péniblement, lentement, marche à marche, pour essayer de mourir loin des autres. Mais voici que Timagène, dans le fond, apporte le corps de Séleucus que la reine a poignardé. Et la reine vient mourir sur le corps de son fils Séleucus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la radiodiffusion télévision française vient de vous faire entendre le spectacle que présentait le théâtre Sarah Bernhardt à Paris, direction Nadine Farrell. C'était une tragédie de Pierre Corneille, Rodegune, mise en scène par Antoine Bourseiller, décor de passe et costume de Jacques Schmitt. Cette œuvre vous a été donnée avec le concours de Edwige Feuillère dans le rôle de Cléopâtre, avec Nadine Basile, Chantal Darget et messieurs Roger Marion, Guy Moigne, Daniel Sarki et Stéphane Fay. C'est André Saudemont qui assurait pour vous, mesdames et messieurs, la présentation du spectacle du théâtre Sarah Bernhardt à Paris.